Comment dépasser le désir de vengeance? Il est possible que l'idée de justice, qui nous semble quelque chose d'absolu, quelque chose avec un fondement transcendant aux êtres humains, qui répond à des grands principes, à des valeurs, le bien d'un côté, le mal de l'autre, il est possible que l'idée de justice trouve son origine et son problème dans des expériences très confuses et très passionnelles au sein du cœur et des relations entre les humains. C'est par exemple l'idée, quand un tort nous a été commis, d'essayer de le réparer et de dépasser ces passions qui inévitablement sont déclenchées par cette violence et qui sont d'abord des passions mauvaises, des passions tristes, des passions de vengeance. Et en effet, peut-être la justice vient-elle d'une manière de dominer, de dépasser le désir de vengeance. Celui qui l'a montré dans un texte très critique, il appelle lui-même polémique, c'est bien entendu Friedrich Nietzsche, dans la généalogie de la morale en 1887. Il cherche à démasquer derrière l'idée de justice une vengeance surmontée, quelque chose qui, au lieu d'être noble et grand et fort, serait au contraire un relais, une reprise de nos instincts les plus bas et les plus destructeurs. La vengeance à l'origine de la justice, de la promesse et du bien et du mal. Peut-être a-t-il raison. Mais pourquoi alors condamner la justice? Pourquoi alors est-ce pour lui une façon de condamner les normes morales, le bien et le mal, la justice qui cherche en effet à dépasser la vengeance? Pourquoi cette origine dans la vengeance face à un tort qui nous a été infligé, pourquoi serait-elle une objection ou un obstacle? On pourrait penser au contraire que c'est ce qu'il y a de plus noble et de plus important dans la justice que de répondre en effet à ces passions profondes suscitées par des crimes qui ont été commis contre nous, parfois les plus terribles. Pensons par exemple à 400 ans de traite négrière, d'esclavage imposés aux communautés africaines par les occidentaux. Face à ces crimes les plus terribles, comment n'y aurait-il pas des désirs de vengeance, de réponse d'une puissance extrême? Nietzsche, dans sa généalogie de la morale, le montre avec une radicalité dont il faut se ressaisir. Mais encore une fois, peut-être faut-il lui objecter que bien loin de critiquer comme négative ses passions de vengeance et la justice qui en découle, faut-il en effet comprendre comment la justice peut reprendre sur elle cette idée de vengeance sans en reprendre ce qu'elle a de destructeur, en essayant de trouver d'autres moyens que la continuation de la violence pour répondre à ce que celle-ci a brisé. Partir du négatif, ce n'est pas forcément une erreur, ce n'est pas forcément le prolonger. Comment dépasser le désir de vengeance? C'est peut-être en admettant qu'il y a eu du tort, qu'il y a eu de l'irréparable, qu'il y a un désir, en effet, d'avoir une restitution, une réparation, et que même si cette réparation doit dépasser tout équilibre mathématique, toute compensation mécanique, cette réparation doit dépasser le négatif, mais d'abord en l'assumant.